بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on lit aujourd'hui encore, inshallah 10 minutes de ce livre تعظيم الصلاة du Cheikh Abdel Razzaq Al-Badr. On est toujours dans la partie où il parle de As-Sala, les derniers mots du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de quitter ce monde. Le cheikh il dit وانظروا في سيرة المحبين الصادقين رعي الأمة الأول فما أزكاها من سيرة. Il dit regardez la biographie de ceux qui ont été parmi ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont véridiques parmi la première génération de la Ummah, comme cette biographie et comme leur exemple était pur. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة يرفعه بها ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا. On va traduire la moitié de cette partie comme ça, puis on va traduire la suite après, inshallah, c'est plus facile. Le cheikh il dit, il y a une parole de l'imam, une parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui est rapportée par l'imam Muslim dans son sahih, et c'est يعني une parole très grande, très importante, très bénéfique. Il dit celui qui est heureux de rencontrer Allah, qui serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman, alors qu'il préserve ses prières, hein, là où on appelle pour les prières, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à votre prophète les actes ou les pratiques de la guidance. Et il n'y a pas de doute que ces prières, ces salawat, font partie des actes de la guidance, des pratiques de la guidance. Et si vous restiez dans vos maisons pour faire vos prières, vos salawat, de la même manière que celui qui reste derrière, qui prie chez lui, eh bien, si vous agissiez ainsi, vous auriez abandonné l'exemple de votre prophète. Et si vous abandonniez l'exemple, la sunna de votre prophète, vous seriez égaré. Hein, vous seriez égaré. Et il n'y a pas personne qui se purifie et qui fait sa purification et son ablution correctement et bien, puis qui se dirige vers une de ces mosquées parmi les mosquées, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire pour chaque pas une bonne action, il va l'élever d'un degré, hein, il va l'élever pour chaque pas d'un degré, et il va lui enlever un péché pour chaque pas qu'il fait. Et il dit ensuite, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أي أَصْحَابُ النَّبِي أَصْحَابُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أي عن الصلاة في المساجد إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Donc il dit, et nous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouvait personne parmi nous qui restait derrière, qui venait pas à la mosquée pour faire les salawat, excepté un hypocrite dont on connaissait l'hypocrisie et le nifaq. Et il dit qu'on venait avec un homme et il s'accrochait entre deux hommes jusqu'à ce qu'on l'amène jusque dans le rein pour qu'il prie s'il avait de la difficulté à marcher. Ça veut dire qu'on demande de l'aide. Quand on a une difficulté, quand on a un problème, on peut s'entraider entre nous pour être capable justement de mettre en application cette obligation et cette adoration-là. C'est pas comme si chacun pour soi, tu vois. On doit s'entraider quand on a des difficultés. Si quelqu'un, parfois, il ressent de la difficulté, il doit dire à ses frères, « Moi, j'ai de la difficulté pour telle chose. Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Ça, c'est important. Des fois, on oublie ça. Donc, les sahaba, ils s'entraidaient entre eux. Même si quelqu'un avait un problème pour arriver à la mosquée, il l'aidait, tu vois. Il venait avec lui. « Ta'ammalu hadhihi surah al-mushriqa » والحال المشرفة المشرفة التي كان عليها الصحابة الكرام حيث وعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته وفهموا وصيته وحققوا اتباعه. Méditez sur cette image qui est éblouissante, qui est brillante, et l'état noble dans laquelle étaient les compagnons, les nobles compagnons du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Parce qu'ils avaient compris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils avaient saisi son testament et ce qu'il avait donné comme conseil aux sahaba avant sa mort, et ils ont réalisé le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont pris sa sunna comme modèle et comme exemple. فَكَانَ الرَّجُلْ مِنْهُمْ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُسَاعِدُهُ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ وآخر عن شماله حتى يقام في الصف. Il dit, l'homme, quand il avait par exemple la difficulté à marcher, il venait accroché entre deux hommes. Peut-être qu'il n'avait pas de béquille, il n'avait pas de moyen de marcher. Il trouvait de l'aide de ses frères, un à gauche et un à droite, et il le supportait jusqu'à ce qu'il l'amène dans le rein pour qu'il puisse prier avec les autres. بينما الواقع في حال كثير من الناس ممن خف ميزان الصلاة عنده يشغله عنها أدنى الأمور وأتفهها. Il dit, qu'est-ce qu'on constate de la réalité de la situation de beaucoup de gens, c'est parmi ceux pour qui la salat est très légère dans la balance, c'est-à-dire c'est peu important pour eux, tu vois qu'ils sont distraits de la prière pour n'importe quelle chose. Parmi les mêmes les plus futiles des choses, ils se laissent distraire. Ala falyattaqi Allah fi hadhihi as-salah muhafizatan 'alayha wa iqamatan laha wa ri'ayatan li arkaniha wa shurutiha wa wajibatiha fa innaha awwalu ma yus'alu 'anhu al-'abdu yawm al-qiyamah. Donc que le serviteur d'Allah craigne Allah dans ses prières et qu'il les préserve et qu'il les établisse comme il faut et qu'il donne de l'attention et de l'importance à ses piliers, à ses conditions, à ses obligations, parce que c'est la première chose au sujet de laquelle le serviteur sera questionné au jour de la résurrection. فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا رُدَّتْ رُدَّتْ سَائِرُ عَمَلِهِ جَعَلَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنَ الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ ومن المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه ووفقنا لاتباعه يا ذا الجلال والإكرام. Donc il dit, le cheikh, il dit, parce que c'est la première chose, comme on a dit, au sujet duquel le serviteur sera questionné, si elle est acceptée, le reste de ses œuvres sera accepté. Si elle est rejetée, le reste de ses œuvres sera rejeté également. Donc ça, c'est l'importance de la salat. Et il termine en faisant une invocation, il dit, « Oh Allah, fais de nous, ou que Allah nous fasse de nous, parmi les gens qui établissent la salat et qui suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, ressuscite-nous, et rassemble-nous au jour de la résurrection parmi ceux qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière sa bannière, et donne-nous le succès de le suivre.